Wall Street. NSO. Je représente mon site, à nos gens où je réside. J'entoure d'adhésifs, les rageux trop agressifs. Je suis précis, ça arrive dans ta décide, t'apprécies. Tu verras ça qu'ici, des bonnes rimes dans nos récits. Imagine la boîte side et la bande son sera ce que dit. Mon son te pète la tête et ça fait mal comme elle se dit. Ouais, je rappe pour les frères qui grattent à l'abri des regards. On est mis à l'écart, tricard, les MC qui se régalent. Vous faire bouger les choses, montrer qu'il n'y a pas de paname. Moi je suis qu'un type banal, mais sur l'instru je te balade. Et ouais mon pote, ouais ouais, j'ai pas fini de sortir les crocs. Écoute la bande son, à l'intro. Derrière le micro, la vie ne balance que décrocher. Mais je ferai ma vie avec ce que j'ai. Sortir un petit ce que dit, voilà un bon petit projet. Chante mon club vocal, grosse rafale, lyricale. De nos gens, un ripas, nique sa mère, ce qui ricale. Ici c'est Wall Street, ouais ouais ouais, on sort les armes. On représente le site Z et ça fait mal quand on débarque. Ici c'est Street, Waz, on a ramené l'équipe. L'inspire pour le déclic, rap pour les grands et les types. Ici c'est Wall Street, ouais ouais ouais, on sort les armes. On représente le site Z et ça fait mal quand on débarque. Ici c'est Street, Waz, on a ramené l'équipe. L'inspire pour le déclic, rap pour les grands et les types. Du rap on est drogué, on a les crocs, alors le micro on vient croquer. Tu t'es pas trompé, c'est les faux qu'on vient choquer. On vise les grattes, mais c'est dur d'avancer pour un mec qui a rien. Ma ville est crade et je peux pas dire que ça craint rien. Alors je défile la stupe de nous prendre en filature, mais ils ont pas l'astuce. 6-0 ma signature et comme d'habitude, c'est sur les thunes que je vise. Mais je reste dans ma solitude, j'ai trop de soucis, t'es mal les trucs que je vis. Et dans les rues de ma ville, j'en parle même pas, c'est encore pire. La plupart de mes gars, ils aimeraient bien s'en sortir. C'est la crise, on est cru et cruel. C'est le Wall Street criminel. Dans rue et ruelle, on a les rimes bien géchards. Ça sent le feu au tchécar. Normal le soir ça fume, 60 feuilles au fond car. On arrive de nulle part et t'as même pas tricard. Le 60 est rempli de haine, ça se ressent dans ici nos c'est regards. Wall Street, ouais ouais ouais, on sort les armes. On représente le site Z et ça fait mal quand on débarque. Ici c'est Street, Waz, on a ramené l'équipe. L'inspire pour le déclic, rap pour les grands et les types. Ici c'est Wall Street, ouais ouais ouais, on sort les armes. On représente le site Z et ça fait mal quand on débarque. Ici c'est Street, Waz, on a ramené l'équipe. L'inspire pour le déclic. Pour les grands et les types. J'calcule pas les gens qui parlent de nos gens à la capitale. Ici c'est Wall Street, nique sa mère les gars qui taillent. J't'ai senti pâle depuis qu'on fait de la zik. Vas-y écoute, c'est Wall Street qui remballe ton classique. On fait du son et ça résonne dans les horizons. Et sans raison les gens se pètent à la résine. Si Z dans les ondes, écoute ce son. Comme il fait mal dans les tympans. Mon son tu l'éteins pas, avoue que tu kiffes quand j'marque un temps. Les grands tapent des barres et comme d'hab les petits parlent. Et rien que ça piquera, mais t'inquiète c'est pas tricard. Tricard. Ici c'est Wall Street, ouais ouais ouais, on sort les armes. On représente le site Z et ça fait mal quand on débarque. Ici c'est Street, Waz, on a ramené l'équipe. L'inspire pour le déclic, rap pour les grands et les types. Ici c'est Wall Street, ouais ouais ouais, on sort les armes. On représente le site Z et ça fait mal quand on débarque. Ici c'est Street, Waz, on a ramené l'équipe. L'inspire pour le déclic, rap pour les grands et les types. Ouais ouais ouais, NSO, Wall Street, la bande son. Si ici la famille, Belek. Ici, on est Al, pour tous ceux qui grattent dans l'ombre. 6Z la famille.